On met tout le monde d'accord comme un trou écarté. Maintenant je fais la barbe, des cœurs sous les barbes, des bagarres de Marvel. Disparition, boule de fumée. J'oublie tout le monde quand les proches à Marvel. Je défends ma parcelle, 9 fois c'est rafale. Ça clique, ça brique au pied de la tour de Babel. Je suis avec Nawek, je suis avec Masta. Dealer qu'on rentre avec la chop, t'achètes des basta. On se fait des passes, jusqu'au brancard. On se donne rencard en Jamaïque, comme des rasta. Ça en est kit, j'avoue c'est calmé. Je suis dans bête, j'avoue c'est calmé. Depuis les bois, j'avoue c'est calmé. On reste dans le bloc, j'avoue c'est calmé. J'ai la terre qui tremble sur moi, le pas est ralenti, ouais. La vie s'accélère, il fait tout pour qu'on ralentisse, hein. J'ai la terre qui tremble sur moi, le pas est ralenti, ouais. La vie s'accélère, il fait tout pour qu'on ralentisse, hein. J'ai fait du sale, j'ai fait du sale, j'ai fait du sale, j'ai fait du sale, j'ai fait du sale, rafale générale. J'ai fait du sale, tout le monde a guerre. J'ai fait du sale, rafale générale. J'ai fait du sale, tout le monde a guerre, ouais. J'attends que ce moment m'emmène. Laissez faire les guerres, chacun son chemin. Cassage de paillons enchaîne. Manon remonte, buzz et renaissant. On tape les étoiles, filant, on redescend. On se la raconte pas, mais nous demande pas. Si on peut faire avec, ma gueule, on a fait sans. J'ai ça dans le sang, le style est blessant. Il me reste une ou deux cartouches au fond du tiroir. On charge, on tire dans la ligne de mire. Ma gueule, j'ai mon pire ennemi dans le miroir. Ton champion, c'est personne, ils me veulent tous comme moi. Frérot, qu'est-ce que tu crois? Dans toutes tes cités, tout ça, je l'ai hérité. Dis-moi la vérité, c'est que ça sort du 9-3, est-ce qu'il bouge comme moi? J'ai la tête qui tourne au sol, la vision s'accélère, ouais. Appelle tes champions, ton équipe, on la monte en l'air, hein. J'ai la tête qui tourne au sol, la vision s'accélère, ouais. Appelle tes champions, ton équipe, on la monte en l'air, hein. J'ai fait du sale, j'ai fait du sale, j'ai fait du sale, j'ai fait du sale, j'ai fait du sale, rafale générale. J'ai fait du sale, tout le monde à terre. J'ai fait du sale, rafale générale. J'ai fait du sale, tout le monde à terre, ouais. Caso, caso.